arrivé. Afternoon, Toronto. You're listening to Suppression here on CHRY 105.5 FM. My name is Metsu. I'm going to be with you until the end of the hour. I'll be playing some French language punk, ska, and hardcore for you from both sides of the Atlantic Ocean and maybe beyond, but probably not because it's the only places I got punk, ska, and hardcore in French from. But nevertheless, it's going to be a fantastic show. So stay tuned here on CHRY 105.5 FM. C'était une petite reprise de Elvis Presley. En tout cas, à la fin, The Love Me Tender, Love Me True. Mais c'est pas ça la chanson que j'ai fait jouer. J'ai fait jouer du Jeune Seigneur, Memphis 1981, de leur album Tonnerre de Brest. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous écoutez bien Sous Pression, aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu. Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Je vais faire jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et ce sera une excellente émission aujourd'hui. Ça, je vous le garantis. Et comme c'est la première émission de retour depuis après la campagne de financement de CHRY, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont en général fait un don pour appuyer la station de radio, pour appuyer CHRY et la radio communautaire en général. Et je tiens aussi à remercier en particulier ceux et celles qui ont fait un don pour appuyer Sous Pression. Alors, je tiens à remercier Daniel, Sarah, Nikki, Kojo, Lise et Steve, Patty, Elizabeth et Christine qui ont toutes fait un don pour appuyer Sous Pression et CHRY 105.5 FM. Alors, je vous remercie énormément. Votre contribution est très bien appréciée. Mais malgré le fait que la période de financement est officiellement terminée, il n'est pas trop tard si vous voulez faire un don pour appuyer Sous Pression et CHRY, visitez le site web de Sous Pression, c'est le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com, ou vous pouvez visiter le www.chry.fm pour plus d'informations sur des façons pour comment donner faire un don pour appuyer la radio communautaire. Alors, c'est ça. Je vous remercie tout le monde qui ont appuyé Sous Pression, appuyé CHRY pendant la campagne de levée de fonds. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire un petit don pour appuyer la radio communautaire. Alors, sans trop tarder, je continue en musique maintenant. Je vais faire une petite chanson, dédicace à tous ceux et celles qui ont appuyé Sous Pression pendant la dernière campagne de levée de fonds. Je vais faire une chanson par les partisans de leur album Sono Mondial, la chanson Radio Rebelle. Je pense que ça rentre un peu dans le thème. Alors voici les partisans à Sous Pression. Bien sûr, ça fait longtemps que le soleil est couché. Quand on sort, toi et moi, se mêler aux passants. 8 heures de notre vie, c'est ce qu'on nous a volé. Mais il nous en reste encore, on va pas les laisser filer. La rue nous appartient, la ville nous tend les bras. Ce soir on fera comme si la nuit ne finissait pas. Jusqu'à ce que la terre tremble, que le monde s'écroule. On danse sur la fréquence de Radio Rebelle. Rien n'est jamais pareil, tu sais, dans l'obscurité. Tout se comprend et tout se mêle, on peut se laisser aller. On s'invente un futur, on oublie le passé. C'est pas encore, on en est sûr, pour nous tout va changer. Et tous ces rêves, tu les connais tout comme moi. Tous ces mensonges et tous ces rêves, si tu y crois, je crois en toi. Dans notre sang, la même sève, le même espoir, tiens je viendrai. Ou au signal de Radio Rebelle, à l'assaut du ciel on ira. On danse ensemble sur la fréquence de Radio Ravel. Don't Salut tout le monde, vous écoutez toujours Sous Pression, aux ondes de CHRY 105.5 FM. À Toronto, c'est vers 103.5 FM à Yellowknife. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je fais jouer du punk, du hardcore tout en français. Dans le dernier bloc, je vais faire un petit retour pour vous rappeler ce qu'on écoutait. On écoutait des partisans de chansons par les partisans de la chanson Radio Rebelle de leur album Sono Mondial. Death or Glory, après ça, avec Talk About You de leur démo sorti en 2010. Death or Glory, un groupe de la France, je crois qu'ils viennent de la Bretagne, ce groupe breton, et je suis pas mal certain qu'il y a des membres de Scots and Panic People qui font partie de Death or Glory. La guitare est très semblable, le son de la voix est très semblable, puis ils viennent de la même région. J'essaie de faire un peu de recherche, mais tu sais, pendant une minute, deux minutes sur l'internet, puis j'ai pas pu trouver de réponse à ma question, mais je soupçonne très fortement que c'est des membres de Scots and Panic People qui font partie de Death or Glory. Sinon, si je me trompe, ben ça l'arrive, je suis pas le grand expert de la vie des membres de Death or Glory ou Scots and Panic People. Mais c'est en fait si vous avez un peu d'informations sur cette question, sur ce mystère, envoyez-moi un courriel sous pression à commercial chry.fm sous pression à commercial chry.fm ou bien laissez un message sur le site web de l'émission www.souspression.wordpress.com. Et après Death or Glory, c'était la gâchette avec la sentence de l'album Quoi qu'il advienne. Alors je continue maintenant en musique avec les esclaves salariés de leur album Ça augure mal, la chanson Ancrée dans la peau, une petite chanson hommage aux tatous et aux tatouages. Alors voici les esclaves salariés sous pression. Salut, vous êtes de retour à Sous Pression aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter Amnésie avec Impasse, c'est leur album Protection de la jeunesse. Avant ça, c'était Les Parias avec Los Freros, leur album Foutu Merdier, Barricade Mentale. Avant ça, avec K.O. Montréal, Gerbia, la chanson qui a sauté un peu, je suis désolé. Un petit problème technique avec mon CD, il va falloir que j'arrange ça. C'était la chanson Mutinerie de l'album Voué à l'échec. Et Gerbia sera à Ottawa le 11 novembre, qui s'en vient avec un groupe Striver, Bruce Boris, Shot Nerves et d'autres groupes au Kent Street Legion, 330 Kent à Ottawa. Si vous êtes à Ottawa vers ce temps-là de l'année, je vous encourage fortement d'y aller. Sinon, ben prenez, vous pouvez visiter le site web de Gerbia ou leur site Facebook, ils mettent des annonces concernant les concerts. Avant ça, on a commencé en fait le bloc avec Les Esclaves Salariés et Ancré dans la peau, leur album Ça augure mal. Alors, on est rendu à moitié chemin de l'émission. Il est temps que je vous rappelle que, je vous l'ai déjà rappelé, mais je vous rappelle encore que l'émission a un site web, c'est le www.souspression.wordpress.com. Le www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez télécharger l'émission gratuitement. Vous pouvez l'écouter à partir du site web. C'est tout gratuit. On met ça à chaque semaine en onde, ainsi que une liste des chansons qu'on fait jouer et des événements qui se passent dans la communauté, des événements concernant le punk, le ska hardcore francophone et la radio communautaire. Et on a aussi une présence sur Facebook. C'est facebook.com/sous-pression. Allez visiter ça. Vous pouvez aimer l'émission, ou en tout cas aimer la page de l'émission. Je mets c'est des annonces. Un peu comme le site web, je mets des annonces concernant l'émission, des liens vers le site web quand je mets l'émission en ligne à chaque semaine, aussi que des petites annonces, des vidéos ou des liens intéressants qui ont rapport avec le punk francophone. Et finalement, si vous voulez me contacter par courriel, faire des demandes spéciales, des plaintes, des commentaires, vous me dites que je suis fantastique, vous pouvez tout faire ça. sous-pression@commercialchry.fm Alors, sans trop tarder, je retourne en musique maintenant avec L'Escalope de leur plus récent album, Il y a Vendra mes tourneaux, la chanson Partir. L'Escalope, ils ont enregistré, en tout cas, je sais pas si ils l'ont enregistré récemment, mais hier, j'ai entendu une chanson en ligne par L'Escalope. C'est une reprise d'une chanson de Gérard, je pense, comment ça s'appelle, Gérard Blanchard, je crois. C'est une super bonne chanson, je l'ai mis en ligne, mais j'ai mis un lien sur le site le Facebook de l'émission, c'est facebook.com/sous-pression. Allez voir ça, vous pouvez écouter, c'est une bonne version ska d'une chanson, un classique des années 80, disons, d'une chanson française. Alors c'est quelque chose d'assez spécial, allez écouter ça, mais en attendant, je vous fais jouer Partir par L'Escalope de leur album Il y a Vendra mes tourneaux. Alors voici L'Escalope à sous-pression. Stupid.

C'était Streets of Rage, la chanson Supporters de leur album Level 1. Le groupe de Nancy en France sur Casual Records, une excellente démo. Vous pouvez trouver ça gratuitement en ligne, télécharger ça à partir de leur site web streetsofragenancy.blogspot.com. Avant ça, on écoutait Bolger, Jean-Lucien Petrid avec SOS, Civil Agression avec Victime. Les Ordures Organiques avant ça avec Sommes-nous vaincus, 8-6 Crew avec Vie en France, Yabasta avec 60s. Et on a commencé le bloc avec L'Escalope, la chanson Partir de leur album Yavendra Mitourno, sorti l'année passée. Alors, il nous reste environ 4 minutes ensemble. Je vous laisse une terre avec une dernière chanson. Je vais faire jouer une chanson par les Breastfeeders de leur plus récent album, Dans la gueule des jours. Je vais jouer la chanson Le soleil se meurt à l'ouest. Et je vous encourage très fortement à continuer à écouter, voir de l'excellente programmation qui s'en vient. Et on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Visitez le site web de l'émission www.soupression.wordpress.com. www.soupression.wordpress.com. Et on se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye.